commence de dune. Vocodeur autotune, la postule HS, les problèmes je sais s'accumulent. Période de crise, les rappeurs font les somaliens. Le meilleur ils le voient pas, des ivoiriens. Le rap n'est pas chanceux, ils pointent l'intérim. Mon flow a mal au soir, il me faut une aspirine. Ils veulent remonter le niveau, je te cale 2 heures. Tu veux un truc qui te monte, tant mieux je suis bulldozer. Tu me fais de la peine, j'crie ton plazo par Lulu. Tout rap sans la merde, ton album s'appelle Trou du cul. Ils enfoncent des seringues, moi j'arrive, je suis serein. Lyrique à coup de serein, ça crache sous palin. Chante la mytho de façon tu sais et les hiéroglyphes. Tu me regardes toujours travers comme les hiéroglyphes. Les rappeurs finissent, vous êtes game over. Ferrari, Bugatti, Bentley, des roller. Grand Libar, Canadizer, on s'emplare. Quand on arrive, ils viennent, retour dès le départ. Game over, game, game over. Game over, game, game, game over. Les rappeurs sont game over. Game, game over, game, game, game over. Over. Ils sont mignons, ils ont rien de violent. Dans ma tête, même le plus gros chien